Bonjour, direct du samedi 26 novembre. Donc, je vais attendre que les gens arrivent un petit peu. Il semblerait que... Bon, alors, ça fonctionne. Donc, vous... Si vous avez des sujets, des choses dont vous voulez parler, parce que c'est vraiment par habitude que je fais le direct. J'ai pas grand sujet à parler. Vous avez vu, bonjour Lindus. Bon, vous avez vu quand il y a eu et atterri des missiles en Pologne. Bonjour Carole. Bon, moi je savais immédiatement que c'est pas les. Bon, des gens se retirent à l'est, là à l'ouest. Bon, ce qui arrive, c'est que bon, si on. Bonjour Michael. Si on applique les articles de l'OTAN, ben là, il faudrait que l'OTAN bombarde l'Ukraine. Ils ont attaqué un pays de l'OTAN. Mais bon, c'est pas ça qui va arriver. Je pense que les Américains sont en train de se préparer à se débarrasser de Zelensky. Puis je pense que les Américains sont au courant qu'ils avaient l'intention d'envoyer ça en Pologne en disant que Topo, on va dire que c'est les Russes. Puis finalement, ben non. Hein. Bonjour Martin, Lucie. Donc, c'est une façon un peu de... Bon, je pense qu'ils vont finir par s'en débarrasser. Puis, bon, je pense pas que la vie de Zelensky soit en danger par rapport à Poutine. Pourquoi? Parce que les Russes ont intérêt à ce que ce soit cet homme-là qui reste... Donc, bonjour Marie. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sujets, des choses... Je suis retourné voir un petit peu ce matin, voir s'il y avait des développements par rapport à certaines choses, puis il se passe rien. Mais les gens doivent profiter de leur fin de semaine. Donc, c'est correct. Bonjour, José. Bon, j'avais fait une petite vidéo où je parlais vite fait de diverses choses, puis j'ai décidé de l'enlever parce que, bon, il y avait des petites parties que... C'est mieux de pas dire ça, hein? C'est mieux de pas dire ça en public. J'ai pas envie d'avoir tout bon. Mais d'un autre côté, je pense que je n'avais pas à m'inquiéter. Mais bon, je vais bien y penser, là. Je me suis dit, bon, ben, moi. Ouais. Donc, je l'ai enlevé. Donc, vous n'avez pas... bonjour, Fergus. Donc, il n'y a pas des sujets dont vous voulez parler. Hey, je suis rendu avec. Va falloir que je suis le barbier. Je suis rendu avec des couettes comme Thomas Mulcair. Il faut faire quelque chose. Donc, bon. Cette idée puileux, de quoi tu parles? Ah, de pouilleux, moi. Moi, ben, je devrais aller voir ça là, bientôt. Là. C'est parce que. Aujourd'hui, même une petite coupe simple, là, un tour d'oreille, puis il charge, il se par ici, il charge, hey, ça va jusqu'à 25$, là, wow, là. À chaque fois, ça me fait un petit pincement. Ça me fait mal au cœur. J'aime pas ça, je trouve ça cher pas mal. Mais bon, c'est peut-être parce que je m'en viens plus vieux. Sainte Vierge, la forme. Tout prédiction sur l'avenir, moi. Ah, dès que ça joue sur l'anxiété, hein, c'est bon. Je n'ai pas suivi ce qui se passe depuis un bout. Alors, j'en apprends. Ah oui. Ah. 35$, mais ma coiffeuse est tellement plein sang. Hey, S5, j'espère qu'elle travaille topless. Hein, à ce prix-là. Non, c'est une farce, là. Mais quand même. Bonsoir, la forme. Pouvez-vous définir ce terme? La forme, c'est une densification. Comme par exemple, les pensées, c'est des densifications dans le mental. Donc, c'est ça des formes, c'est des densifications. C'est aussi des espaces. Ça, c'est parce qu'une forme, oui, il y a une densification, donc il y a un espace. Donc, aussi, il y a comment je pourrais dire ça? Pour que quelque chose se densifie, il faut qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler... une essence qui est emprisonnée dans une densité. Donc, c'est ça, la forme, c'est une densification. Puis, c'est spatio-temporel. Mais pas nécessairement au sens où on l'entend, mais si on pourrait parler de une, tu sais, une densification. C'est hein, styliste. Ah oui. Bon, alors, on n'a pas besoin de ça. Salut Bertolt, j'ai commandé à l'invisible que j'allais avoir un Golden Retriever dans 2 mois. Ça fait 2 mois maintenant. Ma blonde a vu un Golden à vendre et maintenant on l'a. OK. Bon, ben, c'est pas pire. Ben, si vous aviez demandé, par exemple, un bateau de luxe de 100 pieds de long, là, ça marchera pas. Vous savez, Bernard Simon-Nagy, le magicien, à un moment donné, il voulait une auto. Donc, il est allé dans son occultum, sa pièce pour, bon, ses opérations. Il a mis l'image d'une voiture dans un sac par terre, puis il a fait, avec son épée, il a fait ses simagrées de bonhomme. Puis finalement, il l'avait eu l'auto. Mais bon, des fois, on repaye, hein, ce qu'on. En tout cas, peux-tu nous parler de Berthold avant la fonte de tes deux crucifix? Comment voyais-tu les choses à cette époque? C'est pas bien, bien. Ben, disons que j'étais spirituel beaucoup, mais d'une façon super privée. C'est-à-dire, je n'étais pas quelqu'un qui parlait de ça beaucoup, mais ça avait tellement de grande importance dans ma vie. Mais j'en parlais pas. Ça, c'est un sujet intéressant. Les magiciens, les illusionniques, le clanche. Mais moi, c'est pas pareil, là. Ça, c'est des illusionnistes. Mais Simon Nagy, c'était un magicien. Je veux dire, c'est pas pareil, là. Le Langevin, c'est assez spécial, des genres d'hommes. Je le connais pas. Ça me, j'ai jamais trippé, moi, sur ces affaires-là. Donc, je me rappelle dans le temps, là, David Copperfield. Puis, bon, ça m'a impressionné pas plus qu'il faut. Ben, franchement. La dernière vidéo, j'ai proposé de voir à J.M. Milgram. Il parle de chambre de Tachyon, la secte. Est-ce que vous avez regardé? Non, j'ai pas eu le temps de regarder tout. Je mentionne, je sais pas, ce n'est pas pareil. Ok, moi, ben non, c'est pas. Les illusionnistes, c'est vraiment de la. Bon, si on peut dire, c'est de la technique. C'est via de l'agilité. Les meilleurs prestidigitateurs sont très, très habiles. Très, très habiles manuellement. C'est surprenant parce que souvent, ils n'ont pas l'air des manuels. Mais ils se pratiquent, ils commencent en lançant des cartes dans un chapeau. Il y en avait un bonhomme, il était venu ici, il promenait des 25 sous dans sa main, puis des dollars, puis des 2 dollars. Mais lui, c'était spécial, ça tournait. Ça avait l'air anormal. C'était vraiment spécial. Mais quand l'habilité est très, très grande, puis que la personne est très, très, très habile, c'est difficile de voir que c'est pas. C'est difficile de voir que c'est simplement de l'habilité. Mais lui, en plus, bon, c'est un spécial, là. Il se faisait accrocher dans les airs, là, avec des crochets qui traversaient le torse, là, puis. En tout cas, c'était. Lui, je me rappelle. Il faisait fonctionner il demandait au monde, c'est dans le temps, ça fait longtemps, parce que là, il a arrêté de venir par ici. Mais dans le temps, quand il avait commencé assez jeune, puis il venait par ici, puis il demandait aux cultivateurs de la région d'amener des radios à lampe. Puis il faisait fonctionner les radios à lampe. Mais c'était probablement un champ électrique. Il y avait un truc, c'est sûr. Mais bon, bonjour, Isia. J'ai commandé à l'invisible que j'allais avoir 1 million ce mois-ci. J'espère que ma mère, mon beau-frère, mon père et ma belle-mère vont pas mourir. Vous savez, moi, je demande à rien. Je peux pas parce que, bon, au pire, vous pouvez demander à quelqu'un qui demanderait je veux avoir la paix puis que ce soit pas un vide déplaisant. Tout simplement, ben ça, c'est difficile de ça, que ça se retourne contre vous. Quelqu'un qui veut avoir la paix, ben bon. Sincèrement, je n'ose pas trop tester l'invisible car ça n'est jamais à mon avantage. Ouais. Mais des fois, à court terme, on pense que c'est bon. Puis c'est à long terme. Là, on réalise. Mais bon, comme ça donne quoi de. Vous savez, les tractations avec l'invisible. Puis, s'il y a des rumeurs dans la culture populaire, des légendes urbaines, de gens, par exemple, qui font des sacrifices pour faire carrière, ça, je n'y crois pas nécessairement. Mais il reste que ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'invisible. L'inconscience qu'on a de l'invisible. Puis oui, il y a du monde qui ont ce qu'ils veulent, mais c'est pas consciemment qu'ils le voulaient. Donc, le prix à payer va être fort. Donc, c'est pour ça que si on considère qu'on n'a pas un niveau de conscience parfait, ce qui est simplement de l'humilité, puis être réaliste, on est beaucoup plus prudent à demander des choses, parce qu'on se rend compte que peut-être qu'on demande des choses pour notre malheur, puis on ne s'en rend pas compte. Donc, il va y avoir un rééquilibrage parce que jusqu'à un certain point, c'est une anomalie, ça. Si vous venez à bout d'engendrer un événement par votre volonté, là, entre parenthèses, là, ça, bon, ben, c'est une anomalie. Vous venez de provoquer une anomalie. Donc, il va y avoir des lois de réharmonisation ailleurs. C'est là, là que, bon, ça devient. Bonjour, Chan Yan. Je crois que le but des plans est de montrer qu'ils sont toujours présents. Pourtant, c'est super hypocrite. Dans le sens que oui, mais pas trop. Oui, mais pas trop. La loi de Murphy. Je ne veux pas avoir l'impression d'impact. Ouais, ben, l'affaire, c'est que si c'est. Bon. Pourquoi dans le passé, on montrait l'affaire? Pourquoi le pacte? Comment ça se fait qu'il y a des gens, ils signaient des contrats? On voit ça dans le vaudou. Il y en a, ils signent des contrats avec des lois. Il y en a même qui se marient. Il y a une sorte de cérémonie, puis ils se marient avec. Bon. C'est parce que la notion de commerce vient de l'invisible. Ben oui, c'était des lois de transfert d'énergie, le commerce. Elle vient d'où la civilisation, dans le fond? Est-ce que ça vient vraiment de l'être humain? Ou de force qui s'exprime à travers lui? J'ai entendu parler d'un monsieur il y a 20 ans ici au Québec, il pouvait générer de l'électricité à distance et s'est fait récupérer par la CIA. Bon, il y a plein d'histoires comme ça. Puis bon, malheureux, il disait que nous avons toute la capacité, mais que cela dort en nous. Ouais, ben, c'est un petit peu un truisme, dans le sens que oui, peu importe comment on le regarde, on n'a pas le choix de dire oui. Il avait la capacité d'alimenter les appareils, j'ai des témoignages solides. Ouais, ben, il y en avait un aussi dans mon coin, il avait fabriqué une sorte de rotor. Tu le branchais, je pense, c'était une dizaine de minutes, puis il continuait à fonctionner après, pendant longtemps, parce qu'il s'auto-alimentait, si on peut dire. Ce qui est bizarre, là, mais il fallait l'alimenter pareil au départ, il fallait le brancher, là, ça ne désobéissait pas aux lois de la thermodynamique comme on la connaît. Mais il reste que, bon, prenez... On pourrait fabriquer des turbines qui fonctionnent en étant frappées par les photons de la lumière. Mais il n'y a jamais personne qui a... Prenez dans le temps, là, il y avait William Crook, le physicien, il faisait des expériences avec un médium écossais, puis pour ça, il avait fabriqué une ampoule sous vide avec à l'intérieur deux panneaux pivotants, un côté noir, un côté blanc, pour voir l'action de la télékinésie, si ça avait besoin de l'air. Donc, il avait vidé l'ampoule pour qu'il y ait vide à l'intérieur. Puis, étrangement, ils se sont rendus compte que ça tournait tout seul dès qu'il y avait de la lumière. C'est qu'il n'y avait plus de résistance pour que les photons frappent les pales. Puis, ça tournait tout seul à la lumière. Il y aurait moyen de fabriquer ça à large échelle, dans le plus gros format, puis de faire fonctionner des turbines juste par la lumière du soleil. Ça, vous pensez, là, c'est vraiment énorme, les photons, il y en a beaucoup. Je veux dire, c'est des quantités extraordinaires, puis ça tournerait. Mais bon, ça s'est jamais fait. À ce que je sache, il y aurait moyen aussi de faire des centrales à énergie solaire qui seraient un peu comme des observatoires, mais la loupe, si on peut dire, serait braquée tout le temps directement sur le soleil. Puis là, par un système, suivre le soleil, puis par plusieurs centrales comme ça qui se raccordent, que ça ferait le tour, là, si vous voulez, il y aurait possibilité de faire des choses très intéressantes, mais c'est par manque de moyens. Puis les gens qui ont des moyens, ils développent des choses inintéressantes souvent. Prenez Elon Musk. Bon. Il y aurait moyen d'aller plus loin, puis de faire des choses réellement révolutionnaires au niveau de la science, mais bon. Ce qui intéresse les gens en ce moment, c'est des choses. Bon, en tout cas, malheureux, ok. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Steve. Donc, bon, c'est certain que prenez aussi des turbines qui serviraient des courants marins. Il y aurait moyen de mettre des turbines dans certains fonds marins où il y a des courants très forts. Puis non, je veux dire, pas besoin de barrage, hein. On fait tourner des turbines avec des barrages. Il y a déjà des cours d'eau avec des courants très puissants. Naturellement, ce serait juste d'installer des turbines dans le fond. Mais bon, je pense pas que bon, ça se fasse. Hein. Mais l'affaire, c'est que l'énergie, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est ça le pouvoir. Donc, bon, prenez pourquoi le politique est tout le temps, semble-t-il, lié à de l'occulte? C'est parce que c'est le pouvoir, c'est lié au pouvoir. Or, est-ce que l'être humain a pouvoir sur lui-même? Ou est-ce qu'il n'est pas sous l'autorité de ce qu'on pourrait appeler des dominations dans les lieux célestes, c'est-à-dire, si on peut dire, dans son mental endormi, dans son psychologique, bon, c'est un petit peu ça, là, le pouvoir. Donc, l'être humain n'exerce jamais le pouvoir pour lui-même, semble-t-il, ou il ne s'en rend pas compte. Donc, bon. On est bloqué, il faut tout faire, certifier. Il y a tellement de choses à portée de main. Ouais, mais il y a moyen de fabriquer des choses, pas besoin de les faire breveter. Je veux dire, si personne n'est au courant, ça ne change rien. J'ai un de mes oncles qui était. Il aimait ça, lui. C'est un patenteux, comme on dit. Puis bon, je n'ai jamais entendu dire qu'il avait fait breveter quoi que ce soit. Il fait ça pour lui. Pour ne pas polariser, Sabourin préfère le terme réel à vérité. Ben, j'espère. Mais c'est pas au niveau d'une préférence. C'est pas censé être au niveau d'une préférence au sens où on l'entend habituellement. Parce que vérité, bon, ben, c'est une forme psychologique, puis ça fait partie du mental polarisé, tandis que le réel, ça inclut même ce qui est en dehors de la perception puis de la configuration psychologique. Donc, c'est plus vaste, là. Je ne comprends pas. Réel n'a-t-il pas pour contraire fiction? Non. Ça, c'est juste dans le mental polarisé des gens. Ben non, c'est pas polarisé réel. Parce que ce qui n'est pas réel n'existe pas de toute façon. Donc, ça ne peut pas être une. Ça, ce qui n'existe pas ne peut pas être la polarité de ce qui existe. Si on le regarde d'un point de vue vraiment, si on considère le côté psychologique pour ce qui est, c'est-à-dire des représentations et une mécanicité. De la pensée, ce qui n'existe pas ne peut pas être la polarité de ce qui existe. mais la fiction est un reflet de ce qui existe du réel, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est de l'influence. L'être humain est influent. Bonjour Berthold, c'est un plaisir de t'entendre en live. Ah, ben, bonjour Lise. Donc, bon, comment. Si ça fait partie de la polarité du mental, dans le sens que, bon. Bonjour à tous. On frappe, ça commence au nord de la France. On coupe l'électricité à 23h et 5h pour des soi-disant économies. Pour moi, ils testent la réaction des gens. Après, ils vont l'étendre. Ben oui, c'est de l'économie de guerre. C'est du rationnement. Puis bon, ils regardent de la population, là. Comment ils vont être... D'affaisser le dernier vidéo, j'imagine qu'elle a fait jaser, que tu as préféré la retirer. Ben, je suis pas au courant. Ce que le jasage que ça a fait, à un moment donné, j'ai senti que j'étais mieux d'enlever ça. Donc, dans toute la France, ah oui. Ben oui, bon, mais... dans le fond, on dirait qu'ils veulent vraiment... bon, que ça aille... Tu as parlé d'entitisation... ou entitisation de phénomènes, par exemple, de capter des formes pensées égrégorielles ou des mémoires. Peux-tu élaborer? Ouais, ben, c'est la pensée, le monde de la pensée. Moi, je le vois un petit peu comme des longueurs d'onde qui peuvent être captées, un peu comme des émissions de radio. Puis oui, les pensées, jusqu'à un certain point, vont obéir à des lois d'agglomération. Ce qu'on pourrait appeler d'agglomération, ça semble être enregistré. dans ce qu'on pourrait appeler les éthers. C'est un petit peu comme dans le temps, les cassettes magnétoscopes, là, les rubans magnétiques. Donc, c'est un petit peu comme de l'information entreposée. Puis, dépendamment de l'état d'esprit, c'est-à-dire l'état au niveau de pas l'état d'esprit, mais l'état psychique dans lequel une personne est, il va capter différentes choses, puis il va penser différemment, puis sans s'en rendre compte, il va être en rapport avec de l'information qui est enregistrée en dehors de son psychique. Donc, ça aboutit à toutes sortes de phénomènes qui sont bon. Puis dès que. Puis on ne se rend pas compte, hein, on se rend pas compte que c'est nous qui activons ces phénomènes-là. Puis finalement, on se voit comme passif par rapport à la pensée, alors qu'on a un rôle quand même plus actif que ça. C'est juste que c'est inconscient. Puis, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit qui va plus ou moins bien, ben il va se mettre en rapport avec de l'information enregistrée qui vibre à ce niveau-là, on peut dire, de cet ordre-là. Donc, bon, c'est pour ça qu'on voit des atavismes. Dans les sociétés humaines, il y a des atavismes qui se manifestent, c'est-à-dire que des vieux comportements humains, il y a très longtemps, peuvent se remanifester à travers l'inconscience des masses sans que les gens s'en rendent compte. Et on voit les mêmes comportements au cours de l'histoire, on voit les mêmes choses revenir, on voit les mêmes phénomènes. Donc, ces atavismes-là, ça a rapport avec ce qu'on pourrait appeler l'égrégorielle de la pensée humaine, la masse psychique mondiale, ou les forces archétypiques qui, elles, sont cycliques, mais vont s'exprimer à travers des formes enregistrées, mais les forces, on ne le voit pas comme, c'est pas pareil. Comme là, en ce moment, bon, ben, il y a des vieilles forces archétypiques qui ont s'engrouillé sous la surface. C'est pour ça qu'on peut dire, ben, on s'en va vers une guerre. Peu importe que les gens soient d'accord ou pas, peu importe que ça fasse leur affaire ou pas, ça se sent. Ça se sent parce que c'est des vieilles forces qui reviennent. Donc, l'antithisation, c'est un petit peu si on prête de l'intelligence à une mécanicité inconsciente. Donc, comme quand on va dire, ben, j'ai eu des mauvaises pensées parce qu'une entité essaye de m'influencer, puis elle m'envoie des mauvaises pensées. L'antithisation est due au fait que la personne, elle agit inconsciemment. Elle donne des formes à de l'énergie, puis elle capte des vieilles formes aussi, puis à laquelle elle donne l'énergie. Puis bon, c'est tous des phénomènes inconscients. C'est pour ça que je suis très prudent par rapport à l'idée de ceux qui travaillent par rapport au concept d'entité, parce que pour eux, ça devient une réalité. Or, c'est une réalité agissante juste si la personne qui travaille avec ça en est réellement convaincue au point de donner, bon, elle va activer les phénomènes, elle va les amplifier. Ce soit de l'antithésation, dans le fond. C'est-à-dire comme une personne qui peut avoir un souvenir vague par rapport à quelqu'un qu'elle a connu, parce que de temps en temps, elle revit des émotions semblables, elle est plongée dans un état d'esprit qui fait qu'il y a une sympathie vibratoire, qui fait qu'au niveau de la mémoire enregistrée, elle retombe à des époques de sa vie où ça s'est enregistré. Cette personne-là peut se sentir en contact avec une personne décédée, par exemple. Mais le fait est que si on regarde le phénomène comme il faut, puis qu'on le teste, c'est surtout là, moi, que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On se rend compte qu'en fait, c'est la personne qui engendre tout ça, puis qui donne vie à l'entité. Puis l'entité va tout à agir de façon à corroborer la logique au niveau de ce que le récepteur pense. Donc, ça s'ajuste, ça s'adapte. Puis, bon, on sait. C'est mal étudié ces choses-là. Il y a à l'Université de Toronto, ils ont démontré qu'il est possible d'en faire accomplir des phénomènes spirites à des entités créées de toutes pièces. Il faut juste que les participants soient convaincus que c'est possible, puis ça se produit. Donc, on n'est pas allé assez loin dans l'étude de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la métapsychique et la métapsychique, c'est considéré comme n'étant pas une vraie science. Il y a du monde qui ne veulent pas qu'on étudie ça. Pourtant, il y a des phénomènes. Pourquoi on ne l'étudierait pas? Parce que La théorie fait pas l'affaire d'un consensus. Oui, mais les phénomènes sont là. Est-ce que on va cesser d'étudier le réel parce que les théories sont pas ajustées ou qu'on n'a pas encore les théories réellement qui expliquent? Bon. Moi, le monde qui ont une vision théorique du réel, puis qui après vont tester leur expérimentation de façon à corroborer leur théorie de base, ça, à mes yeux, c'est pas de la science. Ce sont les anomalies qu'il faut étudier, c'est ça qui est intéressant. Et après, on ajustera le théorique à mesure qu'on se rend compte que ça corrobore ou pas. Mais on est rendu dans une science, une idéologie. Je parle au niveau de ce qu'on appelle le consensus scientifique, qui est cloisonné, qui est bon. C'est pour ça qu'on découvre plus grand-chose. On n'est plus à des époques de grandes, grandes découvertes bouleversantes comme il y a eu. Donc, bon, c'est en partie lié à la vue qu'on se fait inculquer, entre autres dans les institutions. La pensée institutionnelle, qui, elle, va selon des intérêts, pas selon. En tout cas, hein, le subconscient est très puissant. Oui, ça dépend. Bonjour de Monsieur Pinard. Bonjour, Noé. Oui, tu te dis juste, je sais pas. Ah, Noé, trop. Malgré, il a parlé des égrégores. Je connais pas. Donc, pas nécessairement des entités, mais cela est bien réel. Des morts ou des êtres qui ont besoin de notre énergie pour se construire leur corps. Moi, ben, c'est un peu. Le corps, dans le fond, c'est lié à. C'en est des densifications, donc ça peut être déjà là. C'est juste que ça va avoir besoin d'être activé. Ça va avoir besoin de. Je pense que cela est contextuel. Il y a les deux à ce que je vois très intéressant. Oui, il y a toutes sortes de phénomènes. Des fois, même, c'est des phénomènes composites, on dirait. C'est-à-dire que, bon, on va voir que ça obéit à certaines lois. Puis là, par après, il va y avoir un changement. Puis là, tout d'un coup, d'autres phénomènes apparaissent. Puis là, ça devient plus compliqué, là, l'étude de ces choses-là. De toute façon, les universitaires qui ont voulu étudier ces choses-là, souvent, c'est à leur propre compte qu'ils vont le faire parce qu'essayer d'obtenir des budgets pour ça, c'est difficile. Il n'y a pas de commercialisation au bout de la ligne, il n'y a pas de bon. Donc, l'expérience de Philippe le Fantôme, qui était faite par des universitaires de Toronto, ça n'a pas abouti à rien. On ne peut pas aboutir à une invention, à une avancée technologique. Dans le fond, ils ont juste démontré l'inconsistance de la théorie classique de ces phénomènes-là. Puis ça, c'est très bien. À mes yeux, c'est une avancée, mais pas aux yeux de la pensée institutionnelle. Donc, il n'y a plus de budget d'accorder à ces choses-là. C'est intéressant, les phénomènes sont là. En tout cas, bonjour Bertel, sympa les nouvelles, les nouveaux micros. Ah bon, merci. Quelle est la différence entre le subconscient et l'inconscient? L'inconscient, c'est très très vaste. Le subconscient, c'est une partie prépersonnelle qui est en périphérie de la conscience. Parce que prenez au niveau de l'inconscient des Freudiens, ça venait de Charcot et de Janet, ça. L'inconscient, on peut même y donner d'autres noms. Par après, il y a eu Jung, puis il s'est rendu compte que c'était pas inconscient, inconscient, inconscient. Dans le sens que ça peut avoir un dessein, ces forces prépersonnelles-là. Ça peut même arriver à des conclusions puis agir en conséquence à l'insu de la conscience égoïque de l'individu. Donc là, on pourrait parler subconscient, c'est-à-dire ce qui est en dessous du conscient. Ce qui est à la. Mais l'inconscient, ça, c'est tout le psychique qui ne fait pas partie de la conscience de l'ego. Ça, c'est très, très vaste, l'inconscient. Ça, on peut même aller jusqu'à le côté archétypique qui unit l'humanité, toutes les humanités. Ce que Jung a développé, l'inconscient collectif, c'est encore plus vaste. Mais le subconscient, là, on tombe dans d'autres choses. On tombe dans d'autres choses parce que ça a rapport, c'est une partie que, bon, c'est à ce niveau-là que ça va agir, admettons que vous vous intéressez à l'auto-hypnose, par exemple. C'est-à-dire, bon, ça va être semi-conscient un petit peu, le subconscient. C'est-à-dire que vous allez être assez conscient pour créer des formes que vous mettez en germinaison, si on peut dire, comme des suggestions, puis parce qu'il y a une certaine partie de la mécanique qui est connue. Donc, mais il reste que, prenez le docteur, là, l'Américain, là, comment il s'appelle lui? Murphy, le docteur Murphy, lui, il a fait sa fortune sur le subconscient, la puissance de votre subconscient. Dans le fond, là, on tombe dans de la pensée magique, puis du développement personnel, puis dans le fond, c'est une réactualisation de vieilles choses. Moi, à mes yeux, le subconscient, c'est pas ça. C'est pas. En tout cas. Mais c'est parce que le docteur Murphy, bon. Ça vient. C'est rendu vieux, là, un petit peu. C'est rendu vieux. Quelle est la. OK. Êtes-vous d'accord avec le terme réincarnation? Sinon, quel autre terme proposeriez-vous? Bon, on pourrait dire la. Dans le fond, c'est la métempsychose, là. Mais quel autre terme je proposerais? Aucun. Hein? Ça dépend tout le temps dans quel sens qu'on parle. Comme par exemple la réincarnation. Bon, je ne sais pas, moi, admettons que vous avez hérité d'un diabète de vos parents. À mes yeux, ça fait partie de ces lois-là. C'est un peu de la réincarnation, puis du karmique. C'est mécanique. Donc, ça dépend de quoi on parle, mais on n'est pas obligé de le spiritualiser. C'est bon. Ouais, je trouve qu'on ramène ça facilement aux entités quand on n'a pas, on n'est pas centré. Quand j'échange avec des gens qui ont été proches de l'instruction, c'est parce que les entités ont le dos large. Puis l'action créative de l'individu s'arrête souvent là où il voit des entités. Pour ça, moi, j'ai de la misère un peu avec ça, là. Avant, le monde, il chialait, là. Oh, le démon me met à l'épreuve, ou Dieu me met à l'épreuve, pasteur, oh, les entités. Le monde, ils ne se rendent pas compte que c'est, c'en est, ça, des atavismes, mais qui reviennent sous d'autres formes, au niveau de la pensée, de la mécanicité de la pensée. Les entités ont le dos large. C'est une façon qu'on a inconsciemment de se déresponsabiliser. Fait que des fois, bon, ça fait passer dans l'Antiquité, dans le temps où les gens pensaient qu'ils étaient sous l'influence des forces de la nature, les dieux, puis que dans le fond, c'était devenu une stratégie de défense. C'est-à-dire, vous pouviez avoir un homme qui était accusé de viol, puis il se ramassait devant ses juges, puis il disait, ben oui, mais Vénus m'a rendu fou, puis bon. Les entités ont le dos large, les forces ont le dos large. Puis, dans le fond, si on est capable d'argumenter pour se discréditer ou se déresponsabiliser soi-même, face à soi-même avec ça, on devrait être assez intelligent pour se rendre compte que c'est des défaites. Puis que c'est une rationalisation d'un comportement qui fait que, dans le fond, on n'est pas encore créatif ou en possession réelle de nos moyens, puis qu'on subit encore des influences. Donc, les entités commencent où l'ego s'arrête. Pourquoi? Parce que ça le conforte psychologiquement. Ça le déresponsabilise. C'est ça, moi, que j'aime pas. Ça vient de la spiritualité purement et simplement. C'est comme quelqu'un qui dirait dans un procès, ben, c'est pas de ma faute, j'étais sous l'emprise de. Bon. C'est pas censé marcher, là. De nos jours, si vous allez en cours en disant, ben, c'est pas de ma faute si j'ai embouti une poussette, j'étais sous l'effet de l'alcool, ça va juste augmenter votre peine. Donc, bon. Auto-hypnose, oui, il y a de ça. Il y a de ça. La conception qu'un sujet va avoir du réel va influencer les phénomènes qu'il vit dans son psychique. Ça va s'ajuster. C'est pour ça que c'est délicat. Bonjour, comment ça se fait qu'on peut capter de l'information instantanée, mais qui ne passe pas par les cinq sens? Ben, c'est parce que c'est pas de cet ordre-là. De l'information instantanée, c'est pas je veux dire, les sens, puis le ressenti, c'est pas la même chose, là. Je veux dire, les sens, c'est un peu comme une paroi de palpation. Le ressenti, c'est une reconfiguration informationnelle interne. Donc, bon, comment ça se fait qu'on peut capter de l'information instantanée? Ben oui, mais c'est ça qu'on fait tout le temps, même quand on pense des conneries sans s'en rendre compte, c'est le même phénomène. C'est juste que tout d'un coup, on pense qu'on pense. Mais il reste que ce qu'il pense, puis ce qui est la pensée, c'est pas le même. Sinon, on pourrait pas dire je pense. Donc, tu sais, il n'y aurait pas de possibilité d'ego, en tout cas. Robert Monroe aussi a fait des études, mais c'est devenu dangereux à un moment donné. Moi, je connais pas assez. Je sais que lui a parlé des projections d'extériorisation de la sensibilité. Mais bon, j'ai pas assez. Je connais même pas ce mot-là, atavisme. Un atavisme, c'est des choses qui reviennent à l'insu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui apparaît, tout le monde pense que c'est nouveau, mais en fait, c'est très ancien. Les psychologues avaient remarqué ça, que ça arrivait des fois. On voit des phénomènes étranges comme ça, des atavismes. Comme par exemple, sans s'en rendre compte, des gens vont répéter un comportement qui est très, très ancien, qui fait partie de la mémoire de l'humanité, sans l'avoir appris, pas besoin. Puis ça va être inconscient, c'est-à-dire ils savent même pas qu'ils sont en train de reproduire un comportement ancien. C'est toujours comme ça, presque. Donc, c'est des forces ataviques, c'est-à-dire c'est enregistré dans l'âme collective. Comme, vous savez, il y avait un roman anglais, c'était des jeunes qui se ramassaient échoués sur une île déserte, puis ils recommençaient à essayer de refonder une société. Sans s'en rendre compte, on voit les forces ataviques agir parce que on retrouve tout ce qu'il y a dans une société. Les rapports d'influence, les chicaneries intestines, la corruption. Dans le fond, ils recréent une société en micro, exactement comme la société qu'ils connaissent pas parce qu'ils en ont été coupés trop jeunes. C'en est de ça des forces ataviques. C'est un peu comme un animal. Prenez les chiens, les chats, pourquoi est-ce qu'ils vont reproduire les mêmes comportements, même s'ils ne sont pas sevrés, même si, bon, c'est des forces ataviques, ça fait partie de. Va falloir, je réécoute, il y a beaucoup d'infos. Ah, ouais. Si les entités n'existent pas, mais liées à des. Je ne sais pas ce que je dis, là. Si les entités n'existent pas, mais liées à des mémoires ou ont une création de nous-mêmes, pourquoi dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions? De quoi on parle alors, hein? Affirmer l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais là, c'est évident. Dans le sens que c'est la subjectivité. Vous voulez bien faire, puis finalement, ça aboutit mal parce que vos intentions étaient inconscientes. Ou il y a de l'information qui manquait. C'est comme Fergus, à un moment donné, il y avait une vidéo où il y avait, je pense, c'était nourri des oiseaux avec des graines de sésame chocolatées. Bon, c'est correct, c'est bien beau, c'est des bonnes intentions. Mais le chocolat, c'est toxique pour les oiseaux. Ça leur détruit les reins, puis ils meurent. C'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que pas besoin d'être mauvais pour aboutir à de la disharmonie ou à des résultats que ça n'allait pas dans le sens de notre intention. C'est-à-dire que le mal, dans le fond, c'est ce qui n'est pas à sa place. Tout simplement. C'est ça qui engendre l'enfer. Prenez des jeunes gens qui commencent à la drogue puis ils finissent sur l'héroïne. C'était pas leur intention de part, là. C'est juste qu'ils savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, c'est la même chose. C'est un peu comme plus tard, vous avez des enfants, ils vont faire des reproches à leurs parents, puis dire ça, quand tu faisais ça, quand j'étais enfant, ça m'a complètement traumatisé, puis encore aujourd'hui, ça me hante, puis ça a détruit ma vie. Souvent, le parent va dire, ben, je me rendais pas compte. Ben oui, mais ça change rien. Ça change rien. C'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comment peut-on capter une. Attendez, là. Intention. L'intuition fait-elle partie de la programmation? Est-ce mécanique? Pas mal. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Je veux dire, bon, même quand il y a des anomalies qui se manifestent, ça va être parce qu'il y a quelque chose, il y a une intervention, si on peut dire, il y a un transfert à partir d'un autre plan, des mécaniques plus vastes. Donc, on ne sort pas de la cause à effet, là. On peut pas. Comment peut-on capter une information sur ce qu'il se passe non loin de nous alors que nos cinq sens ne peuvent percevoir l'information? C'est parce qu'il y a l'âme. Ça, l'âme, c'est bien spécial. Parce que vous êtes lié à tous les humains par votre âme, vous êtes lié à toutes les humanités passées par votre âme. L'âme, c'est un peu comme ce qu'on pourrait appeler une cinquième dimension, si vous voulez. C'est Sabourin qui avait exposé ça comme ça, mais oui, c'est ça qui rend possible un paquet de choses. Donc, c'était quoi, non? Comment peut-on capter une information sur ce qui se passe non loin de nous alors que nos cinq sens ne peuvent pas percevoir l'information? On pourrait parler d'extériorisation de la sensibilité. Dans le sens que la sensibilité, c'est pas juste les sens. Donc, bon, il y a d'autres sens, mais c'est parce que nous, on a réduit ça aux sens comme on les entend. Promener la vue, ça va plus loin que la vue physique, là. Quand on parle de la vue, il y a le propre, puis il y a le figuré, puis bon, je veux dire, c'est pareil les autres sens. Prenez le vibratoire, on pourrait rapprocher ça de l'ouïe, mais pourtant, ça n'en est pas. La perception vibratoire, c'est plus subtil. Pourtant, c'est lié. J'ai enlevé le chocolat et seulement égrené les 16 ans. Ouais, j'espère, parce que c'est vraiment la sautine de mes questions. Oh, ça se peut, je ne l'ai pas vu. Depuis plusieurs mois, je suis dans un état de détachement dans plusieurs sphères de ma vie. Je n'ai pas décidé. C'est arrivé suite à un choc. Un état de détachement. Moi, ben, ce serait peut-être un mécanisme de protection, peut-être. Ça dépend, là, ce que vous entendez. Là, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Ben, ça, l'âme, c'est ce qui va, par exemple, tout votre expérimental, il faut qu'il s'enregistre dans quelque chose. Comme, par exemple, votre mémoire psycho-affective, on pourrait dire, c'est de l'ordre de l'âme. Tandis que c'est quand même assez passif. Hein? L'âme, c'est des mécaniques assez... Tandis que l'esprit, ça, c'est un principe actif. C'est ce qui fait, par exemple, que vous pouvez avoir une idée totalement nouvelle sans que ce soit lié à votre mémoire expérimentale. Un coup de génie, là, Eureka. Ça, c'est le principe de l'esprit. L'âme n'est pas capable de faire ça. C'est pas un pas... L'âme, c'est passif de nature. L'ego est réactif. Il y a juste l'esprit qui est actif. L'esprit, à chaque fois que vous voyez du nouveau, puis que c'est pas en réfléchissant, ça vous apparaît d'un coup, que vous trouvez la solution. Ça, c'est le principe de l'esprit. Entre autres, parce qu'il fait toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Ben, je parle au niveau de la façon dont nous, on le voit. C'est-à-dire que si au niveau de votre vie, ce qui est réellement pour votre bien, c'est pas ce que vous désirez, mais autre chose, ça se peut que votre esprit s'arrange pour que des fois, bon, vous en fassiez l'acquisition. Mais ça va être par des chemins que jamais vous auriez pu entrevoir, là. C'est un petit peu comme, voyons, je suis perdu dans ce que je disais. Mais... l'âme et l'esprit. Comment expliquer ce phénomène que je vis en ce moment? Je sais à l'avance ce qui va se manifester dans mon expérimental. Qu'une personne va dire ce qu'il va se produire, etc. Ben là, ça se peut que vous soyez dans un état, un petit peu des mécanismes de survie, puis là, ça a exacerbé votre sensibilité. Puis la sensibilité, ça peut aller au-delà du temps et de l'espace, semble-t-il. Il y a une actrice, Sylvie-Catherine Baudouin, qui avait été kidnappée par des gens dangereux, très agressifs, qui la tenaient en otage. Puis elle s'est mise à se rendre compte qu'elle voyait à l'avance ce qu'ils allaient dire, puis qu'elle pouvait même percevoir leurs pensées. Puis peut-être que c'est pour ça que ça a bien fini. Dans le sens que souvent, c'est des mécanismes de défense. Quand vous développez des capacités nouvelles, souvent, ça va être par des chocs de vie. Ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose d'extrêmement traumatisant, comme être témoin d'un meurtre, ça peut être des choses comme ça. Il y en a que la mécanicité de protection va faire en sorte qu'ils vont se replier sur eux-mêmes puis régresser. Il y en a d'autres, au contraire, ça va être le contraire, ils vont développer des facultés nouvelles. auxquels il n'y avait pas accès avant. En fait, il y avait accès, mais pas à ce niveau-là. Ça peut débloquer des chocs. De la même façon que ça peut créer des blocages, ça dépend, là. C'est tellement... comme l'âme est de la mémoire, j'ai fait le lien de l'âme à notre ADN, qui est mémoire aussi, même si saboté. Et voilà. Ben oui, l'ADN, c'est un peu comme une densification de l'âme. Donc, bon, pour qu'un corps soit animé, il faut qu'il y ait... Donc, c'est là qu'on voit que, au fond, c'est pas mal moins... C'est pas mal plus concret quand on nous l'a appris. Beaucoup plus, là, ça se compare même pas. D'ailleurs, des gens qui vont avoir une génétique semblable vont souvent avoir un psychisme semblable. Dans le sens que, bon, on le voit au niveau des cultures humaines, souvent dans une classe, peu importe où sur Terre, bon, ben, les Asiatiques vont être pas pires en mathématiques. Partie de leur force, puis bon, c'est lié à leur âme, donc aussi leur génétique. Puis, quelque part, on voit la mécanique de l'âme. À un moment donné, on les voit. On voit à quel point c'est concret. Prenez les carlins, les chiens pog. Ils ont toute une personnalité un petit peu à se faire servir. Mais il y a longtemps, c'était des chiens qui avaient des serviteurs en Chine. Avec les Occidentaux fassent le sac du palais d'été, puis qu'ils volent des chiens, puis qu'ils ramènent ça en Angleterre pour les reproduire. Mais ces petits chiens-là ont encore l'âme qu'ils avaient. C'est des petits chiens princes, c'est des petits chiens qui veulent être servis, c'est des petits chiens capricieux. Bon, ça en est ça, des lois de l'âme. Puis c'est pas juste par la densité dans le génétique. Il y a plus subtil encore, puis bon. L'exemple de cette dame que vous avez citée, c'est ce que je vis. Ah, je me rappelle même plus. Bonjour, c'est le lore. Je connais l'intention et la pensée de la personne à l'avance. Ouais. Mais d'habitude, c'est parce que vous vous sentez en danger. C'est parce que ça peut servir. Si ça se manifeste, c'est parce que ça a une fonction. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent, non pas à cause du sens qu'on lui accorde, mais à cause de la fonction. En faisant le ménage de nos mémoires de l'âme, on régénère notre ADN, peut-être. Oui, ben, il y a l'épigénétique. Donc, oui, pourquoi pas. J'ai loué un jeu, j'ai joué un jeu, on écrivait une partie du corps sur un post-it et on le collait sur le front d'un autre joueur. J'ai deviné le mot sur mon front. Et on m'a expulsé du jeu pour tricherie. Ah, oui. Bon, là, c'est comme s'ils n'attendaient même pas non plus la possibilité de hasard, tout simplement. Là, il y a un problème. Hein? C'est un petit peu exagéré, là. Non, ben, vous voyez, là, c'est un petit peu comme dans le temps que... Il y avait un médium à Montréal, il était vraiment quelqu'un de très sensible. Puis à un moment donné, lui, il était bon pour retrouver des corps de gens disparus. Il a arrêté ça parce que la conclusion de la police, c'était lui le tueur, là. Parce que dans leur tête, c'était la seule façon qu'ils pouvaient savoir où étaient les corps. Donc, il a arrêté ça. Donc, avec cette espèce de mentalité bornée-là qu'on a collectivement, on empêche l'individu d'exercer ses talents. Puis, du fait même, on nuit au collectif, parce que souvent, c'est l'individu peut servir à la société, puis on va l'en empêcher parce que ça ne cadre pas. Donc, ça montre à quel point... Moi, je vous le dis, là, plus qu'un groupe est large, plus que vous avez de membres dans un groupe, on dirait plus que la conscience moyenne de l'individu diminue. Comme si le collectif drainait de l'individualité. C'est un petit peu ça, là. En tout cas. Dans ton plus subtil, pourrait-on relier le groupe sanguin? Moi, ben là, ça tombe dans des affaires... Je ne me suis jamais trop penché là-dessus parce que là, dans le fond, on pourrait regarder en plus les tempéraments, ces choses-là, revisiter les vieilles théories, voir s'il y a des corrélations. Là, on tombe dans ce qu'on appellerait de la personnologie. Mais bon, le temps aurait-il une rétrocausalité sans chronologie linéaire? Pourquoi pas? C'est qu'au niveau de notre perception, on ne pourra pas vérifier. Si je vais changer le passé, il devient automatiquement le passé du présent, même s'il était modifié, puis il n'y a pas de point d'appui en dehors du temps puis de l'espace, de ce temps puis de l'espace donné là pour s'en rendre compte. Donc peut-être que le passé, même le passé, change, puis on ne s'en rendrait pas compte. Peut-être qu'il y a des forces qui ajustent à mesure, puis on ne s'en rend pas compte. Merci pour les hockey, de rien. Daniel, l'âme, l'ego et l'esprit sont-ils toujours reliés ou ça n'a aucun rapport? C'est tout le temps connexe. C'est des phénomènes connexes. Au fond, c'est parce qu'il y a différentes strates de manifestation. L'ego puis l'intellect, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler un mental inférieur. Mais c'est lié à l'art, si on peut dire. L'esprit, lui, là, c'est un petit peu une strate plus haute, mais ça va avoir un effet sur les autres strates, de toute façon. C'est à partir de dès qu'on sort de l'ego, puis que c'est pas la programmation qui va plus bas, qu'on regarde des structures prépersonnelles un petit peu plus élevées, là, ce qu'on pourrait appeler les éthers du mental. Ça devient. Mais l'être humain, inconsciemment, par sa psychologie, il densifie des fois dans l'éther. Il s'en rend pas compte. Il se crée toutes sortes d'affaires. Il y en a même. Il y a même des gens, ils vont dire, moi, je me sens très près de mon ange gardien. Ils sont loin de se douter que c'est par leur lecture, puis leur vécu, puis leur façon de voir qu'ils ont densifié ça. Ils ont donné vie, ils ont donné forme, ils ont densifié dans l'éther un ange gardien qui devient une entétisation de leur propre intelligence qui permet de créer un véhicule pour être en contact avec de l'intelligence qui ne vient pas de leur ego. Donc, de temps en temps, cette intelligence-là les sort du pétrin. C'est bon. Mais d'un autre côté, je ne dis pas que c'est toujours ça le phénomène. Dans le fond, pour le détachement, c'est dû à une grande souffrance qui perdurait. Et à un moment donné, il y a eu un déclic, une prise de conscience. Ensuite, il y a eu le dit détachement et ça se poursuit. Je sens un espace. Ah, ben, ça voulait dire que soit ça passait, soit ça cassait. Il y a eu un point de rupture. Ça arrive. Puis, habituellement, c'est des choses, ça prend des années d'accumulation. À un moment donné, bon. C'est un peu comme une femme qui se fait battre pendant 45 ans, puis un bonsoir, elle décide qu'elle tue le bonhomme pour sauver sa vie, parce qu'elle s'est rendue proche, là. À un moment donné, elle l'a senti, puis bon. Il y en a qui ont été obligés de. C'est pareil, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Dans le fond, ça s'applique à tellement de choses. La médiumnité est-elle un spectacle, un spectacle? Est-elle un obstacle ou un contact? Ça dépend. Mais le contact, ça peut être un obstacle. Ça dépend de ton contact avec quoi. Le problème avec la médiumnité, c'est parce que vous avez un intermédiaire. Le mot le dit, médium. C'est pour ça la médiumnité puis la voyance, pas pareil. Mais il y en a qui, pour eux, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. La médiumnité, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire, sinon on n'emploierait pas ce terme-là. Je posais la question du groupe sanguin car ma fille s'interrogeait sur cela. Pour moi, c'est pousser la forme. C'est intéressant, il faudrait regarder ça. J'aimerais bien danser une belle latina qui me joue de la guitare. Oh oui, ben vas-y fort. Ben après, ça te pète des coches, puis elle te garoche des verres par la tête, puis des chaises par la tête, puis que bon. Hein? Ben, je me rappelle d'un, là, il tripait sur une, puis tout, puis il voulait donc être en couple avec. Il a fini par être en couple avec. Ça lui a coûté cher. Ben, tu sais, je veux dire, bon. C'est pour ça, là, des fois, il y a des surprises. Bonjour Berthe, bonjour Marius, ah bon. Isabelle, bonjour José. Mais bon, chacun a son chemin de moyen. Ah bonjour Noï, au revoir. Des vrais jalapenos. Ouais, c'est parce que c'est ça, là. Des fois, on veut quelque chose, puis bon, on n'a pas le contrôle sur tous les aspects que ça va prendre. Comme par exemple, bon, ben, il y a du monde, ils veulent à tout prix avoir quelque chose, puis ça va leur être donné. Pourquoi? Parce que dans le fond, le vrai but, c'est l'intégration de la réalité du fait que souvent, c'est là la différence entre nos désirs et nos besoins. On n'a pas tout le temps le discernement. Hein? Comme Bernard m'a amené parler d'une petite fille de Montréal là, qui se fait croiser par un Italien, puis est sophistiqué, puis tout ça se peut qu'elle tombe avec, puis elle va le regretter, tandis que ce qui conviendrait le plus, c'est quelqu'un d'ordinaire. C'est là où on se fait des fois pogner. Je blague, faut pas toujours amener ça. Côté noir, les nuances sont bonnes, mais là, ça dépend de quoi on parle. Moi, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu quelque chose qui n'était pas ajusté. Là, je l'ai pour réaliser que ce n'était pas ajusté. Puis à chaque fois que j'ai voulu quelque chose qui aurait été ajusté, souvent, je ne l'ai pas eu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Faire attention. Je sais très bien qu'elles ont le sang chaud. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que pas besoin de passer des latinas ou bon. Mais, tu sais, des fois, peut-être que ce qui serait le mieux, je le sais-tu, moi. Hein, des fois, c'est peut-être une petite grosse en coton ouaté, là. C'est pas ça qu'on voulait au départ, des fois, c'est. Mais tu sais, bon. Bonjour, Bertel, content de t'écouter. Bonjour, Laurence. Cette semaine, j'ai fait des rêves dont je me souviens de un et où je me suis réveillé à deux reprises en poursuivant le même rêve. Rêve sans rapport. Sauf qu'en le racontant, j'ai réalisé que le rêve était une boucle et recommençait en boucle. Oui, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme vous écoutez une vidéo sur YouTube, puis elle s'enregistre, l'algorithme enregistre où vous étiez rendu, puis vous revenez plus tard, puis la vidéo recommence là où elle était. Ça veut dire que la vidéo a un support d'hébergement en dehors de votre écoute. C'est pareil les rêves. Donc, des fois, on le voit, là, le phénomène de l'âme, là. Ah, si j'écris mal, ben, bon, c'est pas si pire. Une petite grosse en coton ouaté, voyons donc. Ah, ben, c'est pas des fois. Ben, je sais pas. Maintenant, on vieillit, hein, puis bon. Maintenant, bon, rendu à 50 ans, là, des fois, ça me tente plus, là. On veut juste être bien, puis être confortable, puis avoir la paix. Dans ce temps-là, elle fun, la petite grosse en coton ouaté, là, que l'autre, là, qui l'autre, elle, elle veut faire la fiesta tout le temps, puis bon, maintenant, on vient tanner. Mais ça dépend, tu sais, je veux dire, c'est des phases comme ça. C'est un petit peu comme. Ben, comment je pourrais dire ça? Il y a souvent une différence. Pour ça, c'est juste l'affaire entre la différence entre les désirs et les besoins. Puis bon, des fois, ben non, ben il y en a des belles petites grosses en coton ouaté, ils arrivent, qui sont bien, bien corrects. Bon, OK, je sais, des fois, ça après, il faut s'habituer, là, mais bon, à un moment donné, on se contente de ce qu'on a. Mais non, là, je dis pas ça comme je me donne en exemple, je veux pas ça que j'ai pas tout. Mais il reste que des fois, ben, c'est comme quelqu'un qui voudrait. Des fois, c'est sûr, le monde, il voudrait des fois avoir tous des beaux chars italiens sport. Des fois, le best, c'est juste de se rendre à destination, puis d'être confortable. Puis bon, j'ai fait le parallèle avec nos vies générationnelles qui se répètent en boucle. Moi, peut-être. J'aime mieux la laine. Moi, Fanlef, je n'ai peut-être manqué, là. Je vais devoir cesser, ça fait 1 heure. Mon chum et moi avons vu des lumières scintillantes apparaître partout autour de nous. J'en vois souvent, mais c'est la première fois que quelqu'un d'autre les voit aussi. Ah oui, ça c'est intéressant. Là, ça devient intéressant. Il faudrait vous regarder si vous influencez au niveau électromagnétique des choses. Il y a des petits appareils bien sensibles là, qu'on peut vérifier avec ça. Mais bon, ça a l'air d'un phénomène. Ça se pourrait que ça soit bon. C'est sûr que je ne veux pas me casser les couilles mentalement, alors vaut mieux être bien et pas se fixer sur l'apparence, mais sur la vibration au moins. Ben oui, confortable. Ouais, ben là, c'est une façon de parler, là. Des gens comme Michael Jackson qui ont travaillé toute leur enfance et jeunesse sont déconnés à l'âge adulte, c'est certain. C'est certain parce que le développement est anormal. C'est comme il y a certaines plantes, on peut les faire germer puis les faire se développer plus vite avec certains types d'engrais. Mais une fois que la plante est devenue mature, là, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Il va avoir des faiblesses ailleurs, des sensibilités à certaines maladies. C'est un peu comme une plante qui veut à tout prix avoir de la lumière trop vite parce qu'elle en a été privée. Elle va s'allonger, s'étioler, puis des fois, elle devient trop frêle, puis elle casse. L'étiolement, c'est jamais bon signe pour une plante. Ça vient par le manque de lumière. Elle va grandir plus vite, elle va aller plus haut, mais elle est pas solide. C'est pour ça que, bon, c'est important d'avoir un petit peu de vent. Une plante qui pousse, qu'elle a un petit peu de vent, ça lui fait des racines plus solides. Mais si la plante est tout le temps couchée à cause du vent, à un moment donné, ça se peut que, bon, elle meure. C'est pareil les gens, c'est pareil les humains. L'enfance, c'est vraiment la germinaison. Les gens oublient souvent que leurs enfants sont des personnes. C'est-à-dire, l'adulte est déjà là au complet, en germe. Puis avec, ils n'arrivent pas à voir leur enfant comme une personne. Il y a une personne là. C'est une personne bien complète. Donc, ceux qui ne respectent pas leurs enfants, ça fait des adultes tout croches, c'est sûr. Ceux qui ne voient pas leurs enfants, je parle d'une vue. Un enfant qui ne se sent pas vu, là, ça fait des cas à problème. Il va tout faire pour être vu. Ou alors, il va carrément vouloir devenir invisible. C'est étrange, hein, mais c'est des comportements qui aboutissent à des extrêmes. Comme un enfant surprotégé ou un enfant totalement laissé à lui-même, souvent ça va aboutir au même résultat. Ça fait des adultes, bon, ils ne veulent pas de responsabilité. Puis il manque un morceau. C'est une affaire d'équilibre. C'est vrai que j'aime bien les femmes enrobées, ah, chère, c'est beau. Bon, il y en a, c'est un petit peu trop, là. Je veux dire, là. En tout cas, je vais éviter ce sujet-là. Fergus, vous êtes comme les Africains. Bon. Ouais, ben, je sais que, bon, il y a certains coins de pays, tu es aussi bien parce que t'as pas vu, il n'y a pas d'autre chose. On assiste à une inversion totale des valeurs sociales et de la logique. Ça devient tellement con. Je dois aller canaliser ma colère. Ben, pourquoi qu'il y a une possibilité d'inversion des valeurs? Parce qu'il y a une polarité. Pour qu'il y ait une inversion, faut qu'il y ait une polarité. Donc, ça part là, hein. L'expérience, ça bat toutes les instructions. Oui. Ben, c'est ça l'instruction, dans le fond. C'est-à-dire que bon, il y a bien des affaires qu'on parle, mais une fois qu'on arrive face au phénomène, là, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. C'est un peu comme. Bon, en tout cas, j'allais donner un exemple plus ou moins bon. Je vais devoir y aller. Je voudrais savoir si l'émission du samedi avant midi démarre à la même heure. Non. Non. Ça dépend comment je file. Des fois, ça peut être plus de bonne heure, des fois, ça peut être plus tard. Mais hier, je me suis couché tard. Donc, je me suis levé un petit peu plus tard. Puis le chat, il faut qu'il reste à l'intérieur encore 5 jours. Il vient d'être opéré, il était castré. Puis ils veulent pas que je le laisse sortir. Puis il broye toute la nuit. Il pleure toute la nuit. Merci pour le temps que vous passez à répondre aux questions. Ben, de rien, il n'y a pas de quoi. 10 heures en moyenne. Oui, autour de 10 heures. Des fois, 9h30. Bon, ça dépend toujours, Marie-Jeanne. Le nom de votre chat, je n'ai pas donné de nom. Je l'appelle Tigri. Des fois, je l'appelle Minou. Des fois, Bidou. Vas-tu parler de ta remise en question de la psychologie évolutionnaire que tu dis que cela pouvait être de l'induction? Oui, on peut en parler. Mais qu'on le veuille ou pas, il y a une partie des phénomènes que j'en ai. Comme dans n'importe quoi, d'ailleurs. Donc, c'est de développer le discernement. C'est quoi qu'il y en a, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, pas un petit gris, ben, c'est un chat gris. Quand je suis allé le chercher, l'espèce de technicienne, Elle me disait, ah, venez pour un animal. Elle a vu que je n'avais pas un animal, donc elle a déduit que je venais en chercher un. J'ai dit, oui, je viens chercher un petit chat gris. Elle me dit, on n'a pas ça. Par contre, on a un gros chat gris. Je dis, ah, ben, c'est. Ah, merci, puis t'es venu. As-tu un petit gris chez toi? Ouais, mais c'est c'est un chat. D'accord, merci, j'aime bien ça de t'écouter. Ah, bon, tant mieux. Qu'est-ce qu'exorciser sa parole? Ça devient compliqué parce que je ne peux pas dire que je l'ai fait vraiment là. Mais exorciser sa parole, c'est quand vous venez à bout de capter votre intelligence sans avoir besoin de réfléchir. C'est ça, exorciser sa parole, dans le sens où ça va s'exprimer par la parole. Puis des fois, on est surpris nous-mêmes de ce qu'on dit. Donc, c'est ça l'exercice de la parole. Il est mieux de rester prudent. Et perso, je coupe totalement avec le culte, il y a trop de répercussions. Déjà dans ma vie, surtout en octobre, novembre, cette année, oui. C'est pour ça que de se concentrer sur le pragmatique, le concret, puis les choses de base de la vie. C'est-à-dire que, bon, ce qui est important, c'est ça. C'est pas un petit gros de 50 ans. Non, je pense pas. Pourquoi le désir d'un chat gris? Ben, je ne leur voulais pas de chat. Mais non, ce qui arrive, c'est que c'était un chat errant, puis il était blessé, puis je l'ai fait soigner. Puis bon, par après, tant qu'à avoir payé quasiment 400$ pour le faire soigner, bon, je me suis dit, j'ai aussi bien d'en prendre soin. J'en voulais pas de chat, je ne l'ai pas choisi. Moi, c'est les animaux qui me choisissent. C'est d'ailleurs tannant, parce que j'en voulais pas de chat, j'en veux pas de chat. Tu as failli dire ton nom dans une vidéo. Une pierre sur les j'ai pas trouvé, ni vraiment cherché. Mais t'as piqué ma curiosité. Il y en a qui l'ont écrit dans les commentaires. D'ailleurs, j'étais pas trop content, parce que si je donnais ces indices-là, c'est pour que ceux qui sont capables de trouver mon prénom par déduction puissent l'avoir, mais que les autres ne l'aient pas nécessairement. Donc, il faut mieux pas l'écrire. Le Black Friday, y a-t-il de l'occulte derrière ce terme? Ben. OK, Friday, c'est quoi? C'est vendredi. Donc, vendredi, c'est quoi? C'est Vénus. Donc, Black Vénus. Moi, c'est une journée d'instinct, hein? Journée de déforce. Oser changer, la trouver le nom. Ouais, oui. Bon, c'est pas compliqué, dans le fond. Les Bretons boivent plus que les Landais et les Basques. Je suis jaloux. Ben, c'est parce que il fait jamais beau. C'est la température qui porte à boire. Ben, non, pas nécessairement, là, mais bon. Hein, on pourrait parler là, des atavismes, puis le côté culturel, puis aussi l'influence qu'un lieu géographique peut avoir, semblait-il, sur les habitants. Puis Pierre-Éric, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'écrit. Ça serait pas très joli. Mais ben, j'aime autant que mon prénom se répande pas trop. Là. Berthold, c'est bien correct. Puis bon, de toute façon, là, c'est pas très important. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Alors, je dois vraiment y aller. Archontes, c'est quoi? Ah, oh, on en reparlera une autre fois, mais les archontes, là, c'est des affaires que, bon, c'est pas des sujets très... On en parlera. Ah, ciao. Moi, je préfère Berthold. Ben oui. C'est moins... bon. Bon, ben, bonne journée à tous. Au revoir.